tous, vous êtes sur le 94.2 ou le www.fadjet.net. On est en direct, il est 17h, nous sommes le 20 janvier 2017. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors mes partenaires du jeu maintenant, ils sont assez nombreux hein, quand même, il faut le dire autour de la table, le studio est quasiment plein. Il y a la légendaire Anaïk hein, qui est venue au début de l'émission, on va l'appeler comme la légendaire. Elle a quand même 64 ans. Hein. Ah putain, je suis pas mal conservée quand même. Hein. Ah, la chirurgie fait des miracles. La chirurgie. Donc, alors, et la voix à laquelle je vais devoir baisser le micro, c'est qui est très très forte, c'est celle de Jack. Oui, j'ai mué. Ça va Jack? Oui, ça y est, je suis sur le départ. Il est sur le départ. Ah là, je suis sur les starting blocks. Alors quand tu dis ça, on a l'impression qu'il est sur le déclin quand même. Hein. Non, aussi. Il n'est pas sur le déclin, mais il est sur le départ parce que vous savez que notre Jack, il voyage tout le temps et il nous ramène des petits souvenirs des cadeaux. Et des chroniques aussi, des souvenirs des cadeaux. J'en ai pas trop vu la couleur des cadeaux par contre. Hein, ah non, c'était. Enfin, je t'expliquerai. D'accord, mais par contre, il nous ramène des chroniques à chaque fois. Des chroniques. Et il part d'ici peu, d'ici quelques instants, au Rétromobile. Non, ça c'est au mois de février. Au mois de février. Ah, je me trompe alors. Voilà, donc fin d'émission. Merci de nous avoir écouté. Tu pars où là? Là, je pars à Paris comme d'habitude, ouais. À la maison. Et demain, c'est le rallye La Nocturne. Ah, d'accord. Voilà, dans la vallée Chevreuse. Et c'est un super rallye midi-minuit. D'accord. Donc on va se perdre, on va rouler vite, on va faire les fous, ça va être génial. D'accord, il y a notre nouvelle chroniqueuse qui était là depuis la fois dernière. Et on est comme ça ici à Fadjet et surtout dans Coup d'œil dans le rétro. Dès que quelqu'un a envie de se joindre à nous pour cette équipe. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de micros, il y a 5 micros, donc on peut encore accueillir une personne, guère plus, c'est Christelle. Salut. Ça va Christelle? Oui. Christelle Youplaboum, qui était venue la dernière fois en tant qu'invitée, et qui cette fois-ci va nous faire une chronique, mais on va un petit peu détailler le sommaire d'ici quelques instants. Et il y a aussi notre invitée du jour, c'est la pagaille à Lulu. Bonjour. Bonjour Lulu, alors on t'appelle comme ça, Lulu. Lulu, oui, c'est Emmanuel en fait. C'est Emmanuel en fait, mais c'est la pagaille à Lulu. La pagaille de Lulu. La pagaille de Lulu qu'on connaît plus sur Instagram. Oui, sur Instagram, sur Facebook également. Vous pouvez me retrouver, j'ai ma page Facebook. En fait, on va parler un petit peu d'ici quelques instants de toi en détail. Tu vas être le fil rouge de l'émission. Et bien sûr, Anaïk, on va commencer tout de suite avec le sommaire. Alors au sommaire du jour, bah vous l'aurez compris, effectivement, on va beaucoup parler donc d'Emmanuel et de sa pagaille, la pagaille de Lulu, effectivement. On va Christelle nous fera sa première chronique donc sur les peintres en lettres, c'est ça. On lui met un peu de pression, ouais, là. C'est ça. Ouais. Voilà. Les peintres en lettres. Donc tu nous en diras plus et puis bah Jack va nous parler motorisation, oui. Mais bonjour. Notamment de roues et du Vespa si je ne m'abuse. Je vous emmène en Italie en direction plein sud, le pays, voilà. Du cheval mécanique, du slip sur le bord de la fenêtre et de la pizza. Tout un programme. C'est pas ça mal. Vous fait rêver, non? Ouais, ça me fait rêver. Bon. Moi, je vous parlerai un petit peu de mode et notamment du retour du tricot, mais le tricot, voilà, la fait main en fait. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Et puis, on abordera les sorties locales, voilà, qu'il y a à faire pour le week-end et puis pour les semaines à venir. Un beau programme en perspective, on est ensemble jusque 18h. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Fadjet à coup d'œil. Non, c'est Fadjet coup d'œil dans le rétro parce qu'on a changé dernièrement. Donc, vous pouvez nous soumettre vos petites envies musicales. Si on en a la possibilité, on les passera. Et surtout aussi, on accueille à chaque fois des invités du tissu local en termes de création rétro, vintage. Alors, quelle qu'elle soit, je dis création, c'est pas seulement vestimentaire, hein, c'est aussi des artistes, des artisans qui font vivre le rétro au niveau local. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook. Allez, on commence tout de suite l'émission. On va décortiquer, découper, scinder en deux la pagaille de Lulu. Alors, Anaïk, on peut commencer en disant, sans se tromper, que donc tu nous viens de Nancy. Exactement. Voilà, tu es trentenaire. Faut dire, un peu trop tard, j'ai dit l'âge. Non, c'est vrai. Non, mais c'est comme ça que je me décris. Non, mais trentenaire, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus vieille que nous tous. Voilà, j'ai pas encore 30 ans, mais bientôt, très bientôt. Et tu dis que tu as abandonné les hommes pour les brocantes. Exactement, voilà. D'accord. Je suis chineuse du dimanche et voilà, je fais les brocantes. Donc tu fais en fait de meilleures trouvailles dans les brocantes que dans la vie, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord, mais alors du coup, on disait tout à l'heure que voilà, c'est donc ton prénom, donc c'est Emmanuel. Je fais une petite aparté. Parler, tu peux trouver des mecs qui sentent le sapin dans les brocantes. Hein. Oh. C'est la possibilité. Je te redonne la parole, excuse-moi. Donc je disais, bah, je ne sais plus ce que je disais, oui, donc voilà, tu viens nous parler donc, de ta pagaille, de la pagaille de Lulu, mais alors pourquoi Lulu en fait, est-ce que tu peux nous dire? Bien sûr, alors Lulu c'est mon chaton en fait, voilà, et j'ai vite compris que le petit créneau chaton, ça marchait bien, donc voilà, j'utilise un peu son nom. Pour ma page. D'accord, ok. Donc voilà, donc la pagaille de Lulu. Donc on disait, tu me disais tout à l'heure en antenne en fait que c'est un peu nouveau en fait tout ça. C'est, oui, comment voilà est née la pagaille de Lulu? Raconte-nous un petit peu. Alors la pagaille de Lulu est née un soir d'été avec un ami, en fait avec mon meilleur ami. J'ai un peu parlé de mon projet à mes amis. J'étais pas du tout là-dedans en fait. C'est venu comme ça et on en a discuté et voilà, en une soirée on a trouvé le nom, on a pris un carnet, on a noté plein d'idées et on a fait un petit teaser et on s'est dit voilà, allez, dans c'est 7 dingue. Jours, c'est parti, je me lance et c'est vraiment parti d'un délire entre nous et j'avais une dizaine de vases à vendre et voilà, ça a commencé comme ça et ça fait 5 mois maintenant et c'est fou en fait. Et ça marche plutôt pas mal quand même. Ouais, ça marche plutôt bien en fait. Et tu t'éclates. Et là, ouais, c'est l'accomplissement. Complètement. Quoi. T'es sur Fudget quoi. C'est l'accomplissement. Voilà, exactement. C'est super cool d'être ici pour en parler. Oui, je m'éclate parce que ça me permet de faire quelque chose que j'aime et d'être moi-même surtout en fait. Voilà, c'est une super aventure et ça a pris en fait une ampleur à laquelle je m'attendais pas du tout. Je pense que j'ai frappé aux bonnes portes et voilà, j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont aidé et qui ont cru en moi et c'est une super aventure aujourd'hui Lulu. C'est plutôt sympa, à chaque fois nous dans notre émission on reçoit que des passionnés, des invités passionnés. On écoute dingue, très attentivement, on est un peu fascinés en juste fait. À écouter finalement, non, mais... si nous manquait un petit peu de soleil aujourd'hui avec la fraîcheur, bah, il est là voilà. Alors, tu veux continuer l'interview un petit peu? Oui, alors on disait, voilà, on parle beaucoup de la mode du vintage, effectivement, parfois voilà, qu'on trouve pas mal de choses alors un peu faux des fois, voilà, des choses. Toi, t'es plus dans l'authentique, tu cherches plus des objets, voilà, qui ont une histoire. Qu'est-ce qui te plaît en fait là-dedans de fouiller, de chiner justement, Alors moi en fait comme je disais je viens pas du tout de là, à la base moi je travaillais dans les vêtements donc c'est vraiment une reconversion totale, j'ai pas de base d'archi de déco, enfin vraiment c'est juste des coups de cœur. Moi je chine ce qui me plaît, j'aime bien la mode, j'aime bien la déco et vraiment je chine au coup de cœur, c'est vraiment ça en fait et je pense que c'est ce qui plaît aussi, c'est juste voilà, je pense que j'ai l'œil pour dénicher la petite brolle sur une brocante qui va m'attirer et voilà, quand je pars en brocante je cherche rien en particulier, c'est le coup de cœur, vraiment, je marche au coup de cœur. D'accord, et du coup, donc, tes endroits un petit peu de fouille, raconte-nous un petit peu, sans nous dévoiler, sans nous dévoiler, voilà, tout est bon plan, mais j'imagine que tu, voilà. Je suis partout, ouais. Partout, voilà. Ok, t'es à l'affût en fait du moindre. Il faut être partout, après, voilà, j'ai rencontré aussi beaucoup de pros depuis, avec Lulu en fait, et c'est super intéressant parce qu'on me donne des belles opportunités aussi. Mais voilà, il faut chiner partout, il faut être à l'affût des bons plans tout le temps. C'est un métier de chiner, hein. Oui, il faut être très, très patient. Il faut être réactif aussi, ouais. Parce que je vends essentiellement donc, bah, sur les réseaux, hein. j'ai pas de local. Mais voilà, il y a des petits projets qui arrivent prochainement, justement. Je vais sûrement m'installer, voilà, c'est en cours. C'est bon. Des projets à venir, donc doucement, mais sûrement. Et voilà, il faut être réactif, il faut être partout. Eh ben, il faut être partout. On va en parler d'ici quelques instants. On va continuer tout au long de cette émission pendant une heure. N'hésite pas à participer aussi, à nous donner ton avis, okay. Parce que c'est important sur toutes les chroniques. Et on va faire déjà une première pause musicale, les amis. Alors tout le monde connaît bien sûr ce titre. C'est Richie Valens. Bon, c'est le titre original de 1958. Et c'est La Bamba. Ça nous fait plaisir. Oui. Ça nous donne envie de danser un petit peu. Il est 17h09. C'est le week-end. Allez, on va danser. Oui, profitez-en. Ça met un petit peu de soleil. On est ensemble jusque 18h. We'll be right back. Valens, La Bamba, un titre de 1959. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Et effectivement, on a oublié quand même quelque chose avant d'entrer en jeu sur cette première émission de l'année. Oui, moi je sais. Mais oui, on a oublié. On a oublié de souhaiter quand même une bonne année. Bonne année. On peut le faire tout le mois. C'est les mamies qui l'ont dit. On peut le faire tout le mois de janvier, le bonne année. Même si là, on commence à être usé. Oui, là, on gruge. Si on te redit encore meilleurs vœux, t'es plus dans la technique. Oui, ok, meilleurs vœux, c'est bon. Oui, c'est bon. Passons à autre chose. Mais bon, nous, on vous le souhaite en tout cas parce que c'est la première de 2017. On est ensemble jusqu'au mois de juillet. Donc on parcourt un peu les saisons au fil du temps et c'est pour ça que aussi la mode et les chroniques mode évoluent en fonction des saisons dans l'année. Et cette fois-ci c'est la chronique, alors c'est un peu une chronique nouvelle finalement on peut le dire ainsi, une dimension un peu artistique avec Christelle, c'est les peintres, elle n'avait pas prévu, les peintres en lettres. Alors là moi tu vas m'apprendre beaucoup de choses en tout cas. Bah, je connaissais pas grand chose en fait. Bon. Elle a tout inventé. Non, mais ça m'intriguait en fait, puisque comme je dessine, vous savez déjà, ouais. Je m'amuse à faire des lettres, à dessiner des lettres. Et du coup, j'ai été regarder un petit peu ce que c'était ce métier de peintre en lettres. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un métier à part entière. Mais oui! Du coup, ce sont des spécialistes dans le dessin de lettres. Et on peut appeler ça du lettrage. Mais alors, un style de lettrage particulier, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un métier qui a connu son succès à la fin du 19e siècle. D'accord. Et jusqu'à la fin du 20e siècle. Donc, les peintres en lettres travaillaient pour la pub, pour l'information. Ils pouvaient peindre sur des façades de magasins. Ça existe moins aujourd'hui ou plus du tout? Ah bah, en fait, ça a disparu à la fin du 20e siècle, mais il y a des petites réapparitions. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la typographie, en fait. C'est pas du tout le même. Alors, de ce que j'ai compris, non, c'est pas de la typographie parce que c'est déjà des lettres, des façons de les dessiner qui existent déjà. D'accord. Mais c'est du coup du dessin de lettres. J'ai plus le nom en tête. La typographie, c'est un peu différent. J'ai plus le nom en tête aujourd'hui du métier maintenant qui est simplement ceux qui posent sur les façades, les bah justement. C'est quoi? Bah, des peintres en lettres. Non, aujourd'hui, c'est un autre métier, ça. C'est un nom bien précis. Je vais le chercher, je vous le redirai après. Ok. Merci. Cherche. Oui. Voilà. Alors, ouais. Continuons quand même. Hein, je suis encore là, hein, les amis. Du coup, il peignait aussi sur les véhicules, sur des murs, des banderoles et sur à peu près tous les supports. Donc, du coup, on peut apparenter cette technique à de la calligraphie. D'accord. Puisqu'il s'agit de dessiner des lettres. D'accord. Donc, d'où c'est pas du tout la même chose que la typographie, la typographie c'était juste de créer des formes de lettres. Voilà, c'est ça la différence en fait. Voilà. D'accord. Petite parenthèse, j'ai trouvé mon information. En fait, c'est simplement, c'est très simple, c'est de la signalétique en fait. Aujourd'hui, c'est pour ça que ce métier n'existe plus malheureusement, alors que c'était un métier artistique et artisanal à l'époque très certainement, et qu'aujourd'hui c'est plus du domaine de l'usine, mais c'est un peu péjoratif comme mot. Mais c'est il y a la sérigraphie qui est arrivée, et du coup, c'est remplacé par ces techniques nouvelles. D'accord. Et du coup, il existe encore des peintres en lettres aujourd'hui? Mais oui, j'ai cherché sur la toile, et sur donc, l'internet mondial, et à Paris, il reste un peintre en lettres qui a 80 ans. Oh la vache, c'est le dernier? Après, il n'y en a plus? Après, il n'y en a plus. Et il continue à peindre? Il continue à peindre sur les vitrines des cafés et des commerces. Il s'appelle Jackie. C'est un copain. Jackie, il se fait photographier jusqu'à 20 fois par jour, tellement ça intrigue les gens. C'est fou, hein? Mais oui. Alors, comment il fait son travail? Il commence par écrire avec quoi? Eh bien, par exemple, là, j'avais vu qu'il dessinait les lettres sur les ardoises des restaurants pour les menus. Et il commence par écrire à la craie. Et ensuite, il choisit un pinceau en poil de martre. De martre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une loutre? Non, c'est une sorte de belette. C'est une belette. Pas confondre avec martre Villalonga. C'était la minute. Ah, c'est bon, ça, humour, c'est bon. Et du coup, à Nancy, alors il y a des. On peut retrouver ce genre de choses ou pas? Eh ben, j'ai été chercher aussi, et en effet, il y a des jeunes graphistes qui s'appellent le Studio Pinceau, qui sont au faubourg des trois Maisons. Et ce sont des peintres en lettres, en plus de faire du graphisme. Je suis en train de me poser la question aussi, l'école Condé à Nancy, ils font certainement ce genre de style. Ah bah oui, parce qu'ils font des choses, communication visuelle, tout c'est ça. C'est un petit peu dans une école artistique aussi autour de ça. Et c'est ce studio pinceau, ils restaurent des enseignes ou alors ils en créent des nouvelles. Donc on peut peut-être voir dans Nancy des enseignes qui ont été peintes à la main. Ils ont déjà participé à des événements, non ? Oui, tout à fait. Ah, lesquels ? Par exemple, la fête de la soupe. Ils ont fait toute la signalétique de la fête de la soupe. Qui était place Stanislas. Exact. Voilà. D'accord, donc c'est un métier. Et dans le milieu automobile, il y en a un très connu qui s'appelle Jean Do. On avait fait un article dans le numéro 253 de Rétro Passion Automobile. Mm-hmm. Je fais un petit peu de publicité. Mais vas-y, vas-y. Et voilà, c'est vraiment de l'artisanat. Hein. Mais oui. Pas à la main levée comme ça sur des véhicules, donc des vieux véhicules publicitaires, hein. Une vieille camionnette de fromager, de boucherie. Et le gars refait, c'est vraiment un métier à part. Hein. Mais Christelle, toi, tu as aussi, à part, déjà dans ton activité, il y a aussi de l'écriture sur, ton homme moderne. Bah oui, c'est pour ça que je m'y suis intéressée. J'aime bien essayer de trouver des formes de lettres et que ce soit joli avec des différences de longueur, d'épatement et tout ça. Tu utilises toujours le même style d'écriture, toi ? Oui, parce que c'est ce qui me vient naturellement, en fait. D'accord. Bon, donc voilà, donc moi je m'y intéresse beaucoup aussi. D'accord. Voilà. Eh ben merci à toi en tout cas pour ce peintre en lettres. Alors moi je suis complètement une quiche, hein, donc je sais pas, je connais la peinture. Ah, c'est la cuisine, ça. Voilà, oui, mais donc par contre ça semble très intéressant. Et peut-être qu'on peut lancer un appel, Jackie 81, peut-être sur les réseaux sociaux. Il faut le faire venir de Paris, quoi. Pour nous expliquer son métier, 80 ans. Je peux faire une interview là-bas. Tu peux nous le ramener, Marc. Je peux le trouver. Mais qui sait, en plus les métiers anciens reviennent toujours au goût du jour, donc peut-être que ça va relancer. Où ça relance. Ça serait intéressant d'aller le voir. Hein. C'est vraiment de l'artisanat d'art, on peut le dire ainsi. Merci à toi, Christelle. On va faire une petite pause musicale. Alors, c'est toi qui voulais ce titre-là. C'est suite à la sortie du film, du biopic de Dalida ou parce que t'aimes Dalida en particulier Pas spécialement. T'as pas spécialement Dalida. Ça va, j'aime bien. Après, ça fait partie de la culture française. Alors, non, mais. C'est vrai que j'aurais pu la demander. On l'écoute. J'aime bien. Puis j'ai vu qu'il y avait la bande-annonce et ça m'intriguait. Si tout le monde aime Dalida. On l'écoute pas beaucoup en ce moment. Sur les radios, enfin en l'écoutant plus en ce moment sur les radios, mais on l'écoutait plus, hein, Dalida. Non. Peut-être sur Nostalgie, effectivement, mais aussi sur Fadjet. Et on va écouter, bien sûr, le titre très connu avec Alain Delon. Première fois, vous connaissez. Parole. Parole et parole, les amis. Les moyens. Et ben voilà, on a lancé le karaoké. On va vous laisser, va vous laisser l'original, les amis. Prenez le temps, il est 17h18. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles. C'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur. sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Dalida et Alain Delon, Paroles les paroles, un titre de 1973. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors les amis, on est bien sûr ensemble jusqu'à 18h ce soir. Peut-être que vous êtes encore au travail, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes chez vous, peut-être devant un café, dans un bar. On a le droit d'écouter aussi Fadjet dans un café. J'aimerais bien recenser, si j'arrive à articuler, ah oui, les bars qui mettent Fadjet. Peut-être que je les oblige à les mettre. Faudrait juste faire un petit coucou en fait coucou. Aux hommes de mon service. Oui. J'ai nommé Aurélien et Océan. Ils vont se reconnaître, ils vont comprendre en fait subtilité. Tout à fait. Oui, parce qu'on est écouté dans les services des hôpitaux, messieurs dames. Et donc on leur fait un coucou. On enfonce les patients. Tous les patients qui sortent de la chambre et qui vont danser dans les couloirs. Ceux qui bossent en 12 heures. Il leur reste encore 2 heures. Ouais, on nous écoute aussi à la maison funéraire du cimetière du Sud. On nous écoute partout, mais grâce à les réseaux sociaux. Mais ce soir, je crois que je vais pas parler. C'est la fin de semaine. Oui, décidément. On nous écoute de partout. Oublier la totalité de la conjugaison de la grammaire française. Et donc, effectivement, peut-être que on est une émission destinée à des gens plus âgés. Je ne sais pas, mais pas que. Pas que. J'ai envie de dire. On est quand même relativement assez jeunes. Mais globalement. Studio, oui, mais on parle de quelque chose du passé. Mais comme c'est remis au goût du jour, ça peut intéresser les plus jeunes. D'ailleurs, faites-nous et donnez-nous vos avis sur la page Facebook de l'émission. Allez, on continue les amis, on va retourner du côté de la pagaille, hein, parce que là, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Le bordel dans la pagaille. C'est le bordel. Tu manges à ta chambre. Donc Lulu, j'ai envie de t'appeler ainsi, c'est tout. Lulu, tu avais une particularité, tu nous le disais un peu hors antenne, qui n'est plus peut-être d'actualité, mais tu donnais des prénoms masculins à chaque objet. C'est vrai, j'ai commencé par donner des prénoms d'hommes à mes vases. Et pourquoi d'hommes, s'il te plaît? Eh bien, pourquoi pas, c'était une petite façon de donner des caractères également, c'était très drôle. Un vase, alors je fais le rapprochement, vide comme un vase, plein comme un vase. Non, mais je donnais des prénoms d'hommes, c'est d'accord. Vrai, c'était rigolo, c'était une façon de présenter les objets différemment, en fait. J'essaye de, pas que de poster une photo, mais plutôt de... T'as une façon de faire différente encore aujourd'hui, alors moi j'avais vu aussi les trages, pour le coup. Oui. C'était ce que tu utilisais. Bien sûr, ou ma petite ardoise. Et là, ta petite ardoise. Que j'ai emmenée partout, qui est avec moi d'ailleurs aujourd'hui. Et donc en fait, qu'est-ce que tu mets sur cette ardoise-là? La pagaille de Lulu, tout simplement. Et je fais un peu le tour de Nancy. Je suis allée voir plein de commerçants qui m'ont fait des petites vidéos boomerang. C'était très drôle. Ça m'a fait un petit peu de com au début en fait. Et, c'est quoi une vidéo boomerang? C'est des petites vidéos, c'est un effet en fait accéléré. Et ça donne des vidéos très drôles. Et c'est un peu comme ça qu'on m'a découvert en fait. Et ben moi, j'ai justement une question. Je coupe tout de suite. Hein. Oui. J'ai justement une question. Est-ce que la com est hyper... Alors Jack, il fait des photos en même temps. Ne la déconcentre pas, s'il te plaît. On vous dit tout ce qui se passe dans le studio. Hein. Justement, la communication est importante lorsqu'on fait ce genre d'exercice qui est quand même de la vente. Oui. Et toi, est-ce que ton style... T'as un style particulier, justement, sur le style des photos. Est-ce que... Je sais pas, les filtres... On reconnaît parfois des blogueurs ou des... alors, je sais pas comment on les appelle, les instagrammeurs, avec leur style particulier de photos, et ils le prennent toujours au même endroit. Je pense souvent, comment elle s'appelle, la blogueuse chineuse, pas chineuse parce que c'est pas du tout de rétro, mais la blogueuse de vêtements Marina Dehes, elle est toujours chez elle dans le blanc, enfin c'est très très clair. Et toi, est-ce qu'il y a un style particulier? Moi, c'est des photos très simples, en fait. C'est ce qui fait un peu la pagaille, en fait. Ouais. C'est très drôle. Je fais ça. J'amène les photos de façon assez simple. C'est chez moi, en général. C'est chez moi. Oui, faut, parce qu'il faut savoir mettre en valeur le produit. Exactement. Ouais, tu stockes tout chez toi, en fait. Voilà. Alors, ouais, je stocke tout chez moi. C'est assez drôle, du coup, parce que je vis dans une brocante. Et tu arrives à te séparer des fois des choses. Enfin, tu vois, j'imagine quand t'as ça chez toi, en fait, c'est bon, déjà tu achètes des objets que tu aimes, et du coup quand tu les vends, bah oui, voilà, t'es ravie parce que voilà, tu vends quelque chose, mais en même temps tu dois t'en séparer, quoi. Donc c'est parfois difficile de s'en séparer, mais c'est cool, en fait. J'ai une déco différente toutes les semaines. Et surtout, c'est si génial. Tu donnes un nom, en fait. C'est ça. Non, dire... alors j'ai un peu arrêté avec les prénoms parce que j'étais à court d'idées. J'ai perdu Robert. Marc, Michelin, voilà, est parti. C'est le coup de donner mon prénom à une paire de chaussettes. Alors, et par contre, le jour où voilà, une vente se déclenche, comment tu livres? Qu'est-ce qui se passe? Alors, au départ, je livrais en vélo. Là, c'est un petit peu compliqué, en fait, parce qu'il commence à faire très froid. Ouais. Ah bon, les personnes viennent souvent récupérer les objets chez moi, chose qui va justement bientôt changer, en fait, d'où le projet à venir. Ouais. Mais non, sinon, je dépose, je me déplace un petit peu au centre-ville, on se donne des points de rendez-vous. C'est assez cool, en fait. Hein, les gens me contactent, et puis voilà, c'est vraiment la cool. Ça doit être quand même un kiff absolu quand au moment où tu crées ton petit truc, tu penses pas forcément que ça tout de suite que ça va fonctionner, et en fait ça fonctionne, et là les gens t'appellent et ils te réclament les objets, et après on te fait des commandes aussi aujourd'hui ou pas? Alors parfois oui, on me demande. J'ai fait des coussins par exemple pour le bar La Cerise à Nancy, qui m'a commandé des coussins. Non mais tu fais en plus. Ouais, bien sûr. Ah oui, moi je t'ai demandé une commande, par exemple si tu me trouves, je sais pas, un tel vase de telle époque. Je fais de la Chine personnalisé aussi, en fait. Ah oui. Ouais, bien sûr, c'est bien, on peut m'écrire pour une demande en particulier, et moi, comme je fais pas encore de meubles puisque j'ai pas la place, mais c'est pareil, c'est un projet qui viendra. Moi, je fais appel à d'autres chineurs, en fait, et je travaille un petit peu. Enfin, j'ai rencontré des pros, du coup, des antiquaires et d'autres chineurs à Nancy avec lesquels on fait pas mal d'événements. Donc moi, j'hésite pas à aller leur demander si moi j'ai pas forcément l'objet demandé, en fait. Donc c'est une collaboration. Ouais, voilà, moi je suis vraiment pour travailler un peu tous ensemble. Je trouve que c'est cool. Déjà, il y a une bonne énergie dans ce milieu, c'est sympa. Voilà, c'est ce qui est justement c'est l'objet de ma question. C'est donc du coup, c'est sympathique la concurrence, parce qu'il y a quand même commence à avoir un petit peu de monde autour. Ouais. Bon voilà, on est quand même dans du commerce, hein, au-delà de ça, même si c'est passionnant. On a des concurrents automatiquement, mais ça reste quand même sympathique et bien. Ça reste sympathique. Moi, après, je suis pas vraiment concurrente avec personne, puisqu'au final, moi, je fais vraiment du petit objet et je fais beaucoup d'événements, en fait, notamment les brocantes du Gustave. Et du coup, j'invite d'autres personnes à y participer également. Donc, non, moi, je suis plus pour travailler un peu tous ensemble. Il y a une bonne ambiance, honnêtement. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec Gueule de Breton, donc Gwen, que j'ai rencontré justement, que j'ai rencontré en brocante. Donc, comme quoi, effectivement, on peut rencontrer des hommes en brocante. Il y a toujours des noms, c'est assez incroyable. Voilà. Gueule de Breton. Ouais, voilà, c'est Gueule de Breton. Visage de Vosgien. Déterré de la Meuse. C'est pas très vendeur. Non, mais si, c'est très vendeur. Oui, c'est fun. Vintage Showroom aussi, par exemple, qui ont travaillé avec moi sur le projet de la friperie éphémère. En fait, on a été partenaires de déco. Donc, grâce à Stibidi qui sont venus aussi dans les émissions. Le salon de Justine, en fait, qui organise la friperie éphémère deux fois par an. Et ils nous ont contactés pour être vraiment partenaires de déco. Du coup, on a vraiment créé un magasin, un univers dans un local qui est pas du tout, qui est très froid, qui est très industriel. Et du coup, moi, voilà, le but, c'est vraiment de travailler à plusieurs, parce que moi, j'ai pas tout et j'ai pas de meubles, et voilà, à plusieurs on est plus fort, en fait. C'est Alors j'avais une question. Oui. Tu disais tout à l'heure pas dans le micro. Que tu disais tout à l'heure que tu fabriquais aussi. Alors à partir d'objets chinés, par exemple. Alors non, j'ai confectionné des coussins. Après, je suis pas encore trop dans la transformation d'objets. Voilà, pas encore. Mais j'y viens justement. J'aimerais continuer un petit peu dans le meuble, évidemment, toujours vintage, retaper un petit peu du meuble. Mais voilà, il faut vraiment beaucoup de place et ça prend énormément de temps. Donc voilà. Et c'est, des coussins, c'est... du coup, c'est avec du tissu. Alors du tissu que j'ai chiné. Ouais, des tissus. D'accord. Que je vais chiner, et je vais voir également aussi chez des tapissiers. Voilà, j'essaye de trouver des beaux coupons. Encore une fois, à Nancy, je trouve qu'effectivement il y a une vraie émulation autour de tout ça. Non, mais des indépendants comme Christelle, même Jack aussi qui est, et toi Lulu, il y a un esprit créatif derrière assez passionnant. Moi, je trouve ça bosse, hein. Et c'est vrai, on peut mettre aussi l'accent sur ces indépendants ici à Fadiette, et c'est ça qui est intéressant, et ça part de passion. Et moi, je trouve ça assez fabuleux. Je voulais juste le dire au passage. je t'ai fait un micro, ému. Christelle. Bon voilà, je parle un petit peu. J'ai crié tout à l'heure pour te dire ton micro. Pardon. Je me suis senti, mais non, mais effectivement, je trouve ça intéressant et ça donne envie. Donc n'hésitez pas aussi. C'est un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est que d'une passion, on peut en faire un métier. Exactement. Osez. Vous tous les trois là, qui êtes un petit peu. Bien sûr. Ouais. C'est du boulot, mais. Ouais. Non, mais toujours, on y pense hein, quand on a une vie de famille, quand on a tout ça, on se dit oui, mais j'ai un boulot, j'ai une sûreté, mais je m'éclate plus du tout dedans. Ah bah, il faut choisir entre la liberté, la passion et puis et la famille. Moi, j'ai une petite phrase que ma maman et ma grand-mère d'ailleurs me disaient souvent, c'est de Napoléon, c'est quand on veut constamment, on réussit forcément. C'est vrai. Je trouve que c'est un bel encouragement. Oh yeah. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Bravo. Bravo. Et ben c'est vrai, il faut le dire. Et ben écoute, reste avec nous, Lulu, encore là jusque 18h. Okay. On va continuer un petit peu à approfondir tout ça tout à l'heure. On va passer à notre Jack national qui lui voyage hein, il part d'ici quelques instants. On a le sac, on a toute prête, sa vie. Hein. La valise est prête. Hein. Est prête dans le studio. Les slips sont propres. Et là, on va mettre une petite ambiance quand même. Nino Rota, la Dolce Vita. Oui, n'est-ce pas, ambiance pour nous parler de Vespa, c'est ça? Exactement, je vous emmène en Italie. Sembra una Vespa. Voilà, ça veut dire quoi? Eh, oui. Avec l'accent. Ah bah attention, j'ai bossé, hein. Ça fait 24 heures que je répète. D'accord. Bah, juste pour une phrase. Ça veut dire quoi? Célèbre le Vespa? Ça veut dire, on dirait une guêpe. Eh oui, c'est ce que c'est. Ah, eh oui. On dirait une guêpe. Vespa, c'est la guêpe. C'est ce que c'est dit. Enrico Piaggio, oui, industriel, quand il a découvert les premiers croquis du deux roues au lendemain de la guerre. Eh oui, il a dit ça, on dirait une guêpe. Ah eh oui, c'est ce qu'il s'est dit. On dirait une guêpe. C'est oui, parce que c'est une taille très fine, les flancs arrondis et le bourdonnement de son moteur. Je fais très bien la Vespa. C'est une femme en fait. Notez-le. Il fait sa rétrospective. Les flancs arrondis, une taille de guêpe. Mais une femme ne fume pas, François. Ah oui, c'est vrai. Vous, normalement. Merci, mesdames. Alors le nom du coup est resté. Le nom est resté, effectivement. La marque est devenue une légende. Et depuis 1946, combien de Vespa se sont vendus dans le monde? Je vous pose la question, vous tout de suite. Moult. 18 millions de scooters vendus dans le monde. 18 millions, mesdames. Imaginez, c'est comme si globalement il y avait un Français sur trois qui roulait en Vespa. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. À peu près, voilà. Donc la saga Vespa, en fait, ça commence mal. Il ne reste plus grand-chose de l'usine Piaggio à Pendetella, près de Pise. Pise, d'accord. Vous savez, la tour Eiffel. Oui. À peu près. Qui manque de tomber. Hein, voilà, elle était bombardée par les Alliés. Oui, les Italiens, à cette époque, on n'était pas trop potes. Ils étaient plutôt potes avec les Allemands, donc les Américains, les Anglais, tout ça. Bon, bref. L'industriel qui fabrique des trains et des avions de chasse doit se reconvertir. Donc l'idée, c'était de motoriser l'Italie parce qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. L'industrie était complètement à plat et le peuple avait besoin de se déplacer. Et là, il fallait faire entrer le pays dans la modernité. Et la modernité, qu'est-ce que c'était, messieurs, dames? Oui. La Vespa. Ah oui. Les deux roues. Voilà. Piaggio, ingénieur aéronautique, imagine une moto qui se conduit en position assise. Hein, disons que c'est différent d'une moto puisqu'on a les genoux qui sont devant, hein, les jambes sont devant. Tellement pratique pour la ragazza en jupe serrée. La ragazza. J'ai bossé. J'ai fait un stage d'une semaine à l'ambassade d'Italie quand même. La pizza Pino. J'ai Toto Pizza. Disons que les femmes en jupette pouvaient conduire le Vespa. Exactement. Quoi. Ou Don Camillo avec la robe noire. Et Don Camillo. L'histoire raconte qu'il dessina d'abord une personne dans un fauteuil avant d'imaginer le véhicule. Voilà, il a commencé par asseoir la personne, d'accord, pour qu'elle soit confortable, et ensuite il a mis les roues. Voilà, d'accord. Autre coup de génie, en cas de crevaison, les roues fixées par un bras autoporteur, comme le train d'atterrissage d'un avion, se changent en quelques minutes. On prend, hop, on démonte. D'accord. Rapidité, efficacité. Non mais efficacité. Plus tard, à partir de 51, bien avant celui de Pirelli, ils ont fait un petit calendrier. Eh oui, avec des pin-up. Ah bah voilà, les pin-up. Les pin-up. On y revient. On en tourne, voilà. Donc on a vu. On avait qui, oui, de comme pin-up? Alors là, attention, on a vu Ursula Andress. Oui. La première James Bond. Souvenez-vous, Docteur No. On en a parlé le mois dernier. Mylène de Mongeau, la Fantomas. Ou Romy Schneider, Bien sûr. Vespa aussi sait faire la star. En 53, elle joue les premiers rôles avec Audrey Hepburn dans Les Vacances Romaines. L'actrice installée en Amazon derrière Gregory Peck au début du film ne tarde pas à prendre le guidon et à filer en toute liberté dans les rues de Rome. Ça fait rêver. Avec le petit foulard, tu sais. Ce sera la Dolce Vita de Federico Fellini, le chef-d'œuvre cinématographique italien. Eh oui, messieurs, dames. Ou les paparazzis poursuivre sur le fameux insecte mécanique La Sublime Anita Ekberg, magnifique, décédée il y a peu. Pardon. Un peu plus tard, en 63, à la veille de grande révolution de la jeunesse, Vespa fait la sienne en lançant la Vespa pour les enfants. Ça s'appelle comment? Pour les adolescents. Ah non, ça je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas noté. C'est la Vespina. La Vespina. Ah d'accord. Alors 10 ans après naissance de la première Vespa, il s'en est écoulé comme 1 million. Hein. Ça va vite. 10 ans, 1 million. Oui, c'est... Donc, bah, effectivement, puisque c'était bien. Pas cher à l'époque. Donc, en Europe, mais aussi en Amérique, en Asie. Hein, on sait qu'en Asie, il y a énormément de véhicules à deux roues. Vespa, il va petit à petit et le Vespa devient un nom commun. On voit un scooter, on dit c'est une Vespa, c'est comme un. Oui, c'est vrai. Un Fargo, c'est un frigidaire. Donc on dit une Vespa, on dit pas un Vespa. Ça dépend des pays. Ouais, c'est exactement. Ça. Une abeille. Voilà, la Vespa, c'est comme l'Italien, elle ferme l'écrivain voyageur australien Peter Moore, brillante, nonchalante, peu pratique et pourtant élégante et simple. Ça, on peut pas dire mieux. Je suis désolé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé mieux. Donc très vite, ce scooter si particulier avec ses roues de 10 pouces de diamètre, c'est tout petit, hein, 10 pouces. Hein, c'est à côté, il y a une roue de chevaux, c'est un monstre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, son changement de vitesse sur la poignée gauche et sa pédale de frein arrière sur le plancher. Alors ça, c'est rock'n'roll quand même. Hein, à des fan clubs aux quatre coins du monde. Hein, il est Vespisti. Donc c'est les fans de Vespa. Bah, alors les clubs, mais dans le monde entier, ils font des trucs où il y a des milliers de scooters. C'est incroyable, mais en Asie, aux États-Unis, au Canada. Le Vespa aujourd'hui s'est modernisé, mais il reste quand même sur la même identité. L'identité est la même. Hein. Le Vespa le plus connu, c'est le modèle PX. Donc c'est le moteur deux temps où on met un coup d'huile, l'huile d'un côté et l'essence de l'autre. Mmh. Ça, c'est celui, il a réapparu il y a quelques années, ils en ont refait. Donc c'est pas le plus facile à utiliser, mais sinon, effectivement, il y a une gamme plus moderne et qui est maintenant devenue beaucoup plus chic. Ça coûte assez cher. Branché. Un Vespa, ça coûte cher. Exactement, voilà. Il y a 3-4 ans, dont 5 ans quand je suis arrivé, le premier truc que j'ai fait, j'ai dit tiens, je vais m'acheter une Vespa. Ouais. Hey, les gars, ça. Et je suis reparti, j'ai pris un abonnement vélo. Et moi, j'ai acheté une copie. Donc, la copie, c'était le Sim, ouais, bon, qui n'a rien à voir, bien évidemment. Et au final, le Vespa aujourd'hui est encore très utilisé. Pas hyper sécurisant dans des villes comme Nancy, hein, parce que les petits trous, ça tient pas beaucoup avec les pavés, hein, on peut se tartiner la tronche. Dans toutes les grandes villes, il y en a beaucoup. Mais à Paris, par exemple, je crois que c'est à Paris parce que c'est de souvenir, on réalise son Vespa à la mode des années 50. Il y a des constructeurs qui refont des Vespa. Il y a plein de boutiques vers République, notamment. Il y a plein de boutiques de cycles et ils sont spécialisés en Vespa. Donc on voit des vieilles Vespa, mais vraiment de l'époque. Hein, il y a des trucs incroyables. Moi, j'ai fait des photos. Je vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais il y a, parce que nous, on connaît quelqu'un, Lucien, qui fait des courses. Ah oui, alors il y a de la course de Vespa, de scooter. Ouais. Et donc lui, si je me souviens bien, en fait, il fait des courses de Vespa. Il est fan aussi. Et le Vespa sert à tout. Il a même servi pour les pompiers, par exemple. La police. Voilà, ça sert à tout. Le Vespa, c'est la Ford T en fait du motocycle. C'est la réussite de la Ford T. Donc c'est quand même. Il y en a un qui passe derrière d'ailleurs là. Hein, vous entendez. C'est le bourdon. Ah non, là, c'est Medicopter. Voilà. Il y a un tournage de Medicopter. Bon, en tout cas, effectivement, ça fait toujours rêver. Je pense que ça continuera à faire rêver. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que tu prendrais la Route 6666 avec un Vespa? Un Vespa, oui. Ou Harley aussi peut-être. Avec un Vespa, c'est possible aussi. Route 66, c'est Rolling Stone. Et ben on va mettre les Rolling Stones justement. Allez les amis, il est 17h40, il nous reste 20 minutes d'émission. On a encore plein de choses à vous dire. Prenez le temps, c'est le week-end pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais tout du moins nous ici, on en profite un maximum. C'est un coup d'œil dans le rétro. The clothes so pretty, you'll see. So pretty, y'all see. Amarillo, gotta do Mexico, flags to Arizona. Don't forget Nona, big Samba, Scalzi, Bernardino, what you get him to? sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors n'hésitez pas à les voir hein, effectivement sur la page de l'émission. Jack poste des tas de photos hein, qui nous mettent très en valeur. Oui, tu peux. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Tiens, bonjour, j'ai cherché mon mot. Bonjour, ça va ? Bonjour. Donc, dans un coup d'œil dans le rétro, voilà, je retrouve mes paroles. Dans un coup d'œil dans le rétro, chaque mois, nous balayons un petit peu différents domaines, différents secteurs. Et là, on passe du côté de la mode. Une mode de l'ancien temps, une mode, mais aujourd'hui, qui revient aussi par le homemade, comme on dit, c'est le fait maison. Et c'est le tricot, n'est-ce pas, Naïk ? Tout à fait, le tricot revient en force cette année pour la saison automne-hiver 2017. Faut se dire quand même que tricoter, c'est devenu très tendance et c'est plus réservé aux grands-mères, aux mémés qui tricotaient un petit peu pour les petits-enfants. Maintenant, le tricot refait surface, alors avec des aiguilles un peu énormes, hein, c'est vrai qu'on voit différentes choses, des laines à gros fils, donc tout ça un petit peu pour les novices, c'est un petit peu plus facile. C'est vrai que là, il fait froid quand même, on se tape quand même des moins 10, voire un peu plus, ouais. Donc le tricot, c'est bien chaud, c'est tout doux, ça peut être hyper moelleux. Les vêtements tricotés refont quand même un carton. On peut en voir quand même dans pas mal de grandes enseignes actuellement. Mais le phénomène tricot est loin de s'arrêter au rayon de ces enseignes. Et en fait, la grande classe aujourd'hui, c'est de tricoter soi-même ses vêtements. Alors, quoi tricoter ? Alors, si on veut commencer déjà par une petite pièce. Ouais, alors je dirais, moi c'est vrai que je fais des bonnets à la maison. Bonnets, donc il y a plein de bonnets chez nous. On peut faire des écharpes, des grosses écharpes pour les plus avertis. Les avertis, merci. On peut faire des pulls un peu grands, ce qu'on appelle les pulls oversize. Tout ça, c'est des grandes tendances de l'automne-hiver. Alors j'ai envie de vous dire maintenant, on peut oublier un petit peu aussi le catalogue fil d'art. c'est plus trop d'actualité. Maintenant, vous pouvez aller sur internet, il y a plein de tutos, il y a plein de filles en fait qui postent des trucs avec ce qu'on appelle des tricotins. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est rapide, non ? C'est très rapide. Il suffit juste de passer sa laine sur des petits picots. Moi, je fais Marcel ça. Sur Marcel, je sais pas si ça peut marcher, mais sur le tricotin, en tout cas, ça fonctionne assez bien. Est-ce qu'il y a des tendances ? Alors les tendances un petit peu de l'hiver, y a la laine mohair quand même, qui est une fibre naturelle, légère, douce et élégante, donc elle donne des résultats assez sympas. Il y a le retour du velours et aussi... Tu peux tricoter du velours ? Tout à fait, monsieur. Ouais. Et il y a aussi l'effet métallisé, donc vous pouvez tricoter avec des fils un peu dorés, argentés, le cuivré aussi, ça donne, ça donne des créations en fait assez sympas. Et les tendances un peu... il y en a une qu'on connaît qui est le superposage de couches de vêtements. Ouais, ça s'appelle la tendance layering, en fait. C'est superposer en fait plusieurs vêtements tricotés. On peut associer les ponchos qu'on revoit quand même pas mal, les capes, les étoles, les grands pulls et les gilets, donc de taille et de forme un petit peu différentes. En fait, il faut jouer juste avec la symétrie, les couleurs et les volumes, en fait. Donc ça peut, pour créer un petit peu un ensemble équilibré, unique. Et on a bien chaud parce que c'est vrai qu'il caille un peu quand même dans l'Est. Bah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on retrouve des cafés un peu de toutes les sortes, des cafés jeux, des cafés concerts, des cafés. Est-ce qu'il y a des cafés tricots ? Alors, les cafés tricots, il y en a dans toutes les villes maintenant. Les tricoteuses sont de plus en plus jeunes. Et grâce au café tricot, en fait, ça se multiplie. Ce concept, en fait, il est arrivé des pays anglo-saxons. Il s'est implanté dans les grandes villes en proposant des pauses tricots à des horaires adaptés aux femmes et parfois aux hommes. Parce que oui, il y a maintenant aussi des hommes qui se mettent au tricot. Mmh. C'est très tendance. Mais c'est un peu sexy, je trouve aussi. Enfin, soit, ça a un côté Exactement. Ouais. Bah oui, nous posterons des photos. Vous êtes d'accord, les filles ? Françoise, nous allons faire des photos. Ça peut l'être, ça peut l'être. Les barbus, ça va. Christelle n'a pas l'air convaincue. Ça dépend en fait un peu de l'homme. C'est l'agilité, tu vois, avec les mains, tu vois. Sur la veste, quoi. Enfin bon, on va s'arrêter là, mais. Ah d'accord. Et si on tricote sur une Vespa? Bon, donc bon, et en plus c'est simple aujourd'hui avec la machine à tricot, tu disais, on peut se faire des belles choses, quoi. Oui, et à Nancy, il existe en fait un café tricot qui s'appelle, enfin un café, le tricoté en fait, oui, c'est un groupe de tricoteuses et de crocheteuses, donc qui se retrouvent à peu près deux fois par mois avec une petite session en fait dégustation, on peut papoter. Souvent en fait elles se réunissent à la brasserie de la Cour des Arts à Nancy, et vous pouvez retrouver toutes leurs infos en fait sur leur site blog www.tricot-the.com, où ils ont aussi une page Facebook. Donc il y a d'autres sites qui alors prennent le tricot. Ouais, j'ai découvert en fait le site avec la marque Mami Factory, donc c'est assez connu. C'est une marque de vêtements en fait pour les enfants, dont la collection en fait est principalement composée de vêtements et accessoires tricotés par une cinquantaine de mamies en fait qui sont âgées de... C'est un gang de mamies. Elles sont âgées de 59 à 91 ans, et plutôt que de se faire suer à la retraite en fait, elles font ça, donc on peut passer commande, elles peuvent faire des confections un peu personnalisées. Il y a des kits de tricot aussi qui se vendent, et Emmanuel me dira pas le contraire, parce que j'ai vu aussi, oui, que dans la pagaille de Lulu on pouvait aussi trouver plein de pelotes de laine. Exactement, donc ouais, j'ai vu ça, ouais, voilà, donc le tricot est tendance, des pelotes de laine, ouais. D'accord, de tout, et il y a des couleurs particulières pour cet hiver, pas mal de camel, de kaki. Le noir, bon, toujours un peu d'actualité, un peu, ouais. Mais voilà, dans les fonds un peu comme ça, un peu vert, un peu ocre, moutarde, effectivement, ouais. Donc n'hésitez pas à porter vos œuvres. Bon, moi je vais attendre un petit peu, sinon ça va finir en gilet du Père Noël et d'une ordure. Donc j'ai fait un bonnet avec un petit pompon, il est vachement bien, quoi. Il n'est pas terminé, si. C'est juste qu'il y a deux gros trous pour les bras, c'est aussi simple que ça. Donc le tricot, c'est la tendance qui revient aussi, on revient, et finalement c'est un éternel cycle pour beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut déjà anticiper ce qui va revenir? Je ne sais pas, mais on essaye au moins mais les pas def, oui, qui étaient déjà revenus, donc c'est des cycles peut-être de 20 ans, je crois que c'est un peu comme ça que ça fonctionne sur la mode, ça revient tous les 20 ans. Mais c'est un côté très cocooning de revenir en fait à ce qui se passait avant. Bah, ça touche à l'enfance aussi, et puis ça touche à l'affect aussi des gens. Ouais. Là, on est un peu dans la mode des années 90, on peut peut-être revenir aux années 90 avec les t-shirts LC Waikiki, Dido, poivre blanc, grain de sable. Ça, voilà, certainement ça va revenir aussi très fort. Alors, on fait une petite pause musicale, les amis. Ça va être un titre de Nick Waterhouse. Tu peux m'en dire plus ou pas, Nick? Alors, c'était un chanteur, en fait, compositeur et producteur américain de Los Angeles qui est plus dans le blues, le jazz et un peu la soul. Et en fait, il est en concert le 27 janvier au Café de la Danse à Paris. Et j'ai découvert ça sur Internet. Et moi, j'aime assez, donc j'avais envie de... le partager avec vous. Les auditeurs de Fadjet, eh bien, profitez du moment. Well, before we get started, and one thing about it that you should know, this is game. Please remember my words, and don't get upset if you don't get what you think you deserve. All Nick Waterhouse, This Is Game. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah, on est heureux chaque mois de passer ce moment avec vous, hein, en votre compagnie. Le troisième vendredi, on arrive à s'y tenir à peu près. Oui. Le mois prochain, le prochain rendez-vous sera le 17 février, si je ne m'abuse. Tout à fait, monsieur. À 17h sur les ondes de Fadjet. Mais vous pouvez bien sûr réécouter toutes les émissions en podcast sur le site www.fadjet.net. Les podcasts d'un coup d'œil dans le rétro, qu'on reposte aussi eh bien, sur la page Facebook. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à partager. On passe un bon moment à chaque fois en vente. Votre compagnie, et ça nous fait très très plaisir de vous retrouver chaque mois. D'ailleurs, l'équipe est de plus en plus nombreuse, hein. On va devoir faire des passages de chroniques, bientôt des passages de flambeaux, et on va reprendre tout de suite un peu notre pagaille en route pour terminer cette émission. Et donc on va parler un peu des réseaux sociaux où on peut te retrouver déjà donc sur la pagaille de Lulu sur Instagram, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Sur quoi Facebook également, sur la page de la pagaille de Lulu. Donc n'hésitez pas à m'ajouter et vraiment donc je vends des articles vintage, j'en achète également, je travaille un petit peu aussi en dépôt et puis si voilà, les gens ont envie de prestations de décoration, de chines personnalisées, de coussins, voilà, je fais un petit peu tout. Donc il faut pas hésiter à suivre la page, je poste vraiment tous les articles dispo sur la page. Le plus simple pour te contacter, c'est la page. Ouais, ça reste la page. J'ai des cartes de visite qui vont arriver très prochainement. Et sinon, si vous voulez découvrir un petit peu de mes chines, je suis en dépôt dans deux salons de beauté, donc chez Jolie Môme et au salon de Justine également. Voilà, donc j'ai quelques Le salon de Justine objets. Qui accueille beaucoup de oui, d'artisans, beaucoup de d'artistes, ouais, de petits créateurs. Ouais, ouais. Je ne sais pas d'ailleurs, elle fait quoi le salon de Justine Le salon de Justine, c'est un salon de beauté rue Saint-Julien. Oui, exact. Saint-Julien, okay. Voilà. Et c'est vrai qu'elle expose énormément de petits créateurs, en fait, et c'est super sympa comme salon. Voilà. C'est bien de bosser les uns avec les autres, comme tu le disais tout à l'heure. Tu avais des petits remerciements, ouais, c'est ça, moi, à faire. Je voulais remercier quelques personnes, j'avais préparé. Vas-y, fais. Voilà, du coup, je voulais remercier avant tout ma maman, qui m'encourage dans mes projets et qui me supporte, évidemment. Comment elle s'appelle, ta maman? Ma famille, ma maman, elle s'appelle Antoinette. Eh bien, Antoinette, Antoinette. Bisous, Antoinette. Hein. Bon, on peut l'appeler Toinette. Toinette. Non, je voudrais remercier ma maman, ma famille, mes amis, je vais pas tous les citer, mais petit clin d'œil, Bibo, Trudy, Loulou, etc. C'est juste pour pas balancer les prénoms, mais ils se reconnaîtront et j'espère qu'ils écoutent. Et merci aussi à Momo, qui, voilà, je sais pas s'il m'écoute là où il est, mais un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais lui faire et merci pour tout. Et bon. Merci à tous ceux qui me suivent. Et qui continuent et qui vont être de plus en plus nombreux, c'est bien évident. Merci. Eh bien, l'émission n'est pas encore tout à fait terminée. Maintenant, on va faire un tour du côté des sorties au niveau local, je pense. Alors, on commence tout de suite ce soir. Il y a un concert live de deux groupes locaux. Je vais essayer de ne pas écorcher le groupe. C'est Smosy and Chris King de 21h à minuit à l'Atlantide. C'est 126 avenue Foch à Essey-les-Nancy. L'entrée est de 12€. Demain, Anaï, qu'est-ce qu'il y a demain? Samedi 20... Non, c'est la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, donc samedi et dimanche 29 janvier. Donc il y aura le salon Playmobil à Velaine-en-Laye. Donc l'entrée, c'est 3€. Je pense que ça peut être sympa d'aller voir ça en famille, les Playmobil. Du côté du 4 février, un groupe de musique qu'on connaît assez bien, qui est venu aussi dans le courant de l'année dernière nous voir, c'est les Velvet Swing qui jouent au Clou et le Bec, 30 Place des Vosges à Nancy. C'est un concert gratuit avec une ambiance jazzy, swing et manouche. Le samedi 4 février, vous pouvez aller faire un stage de rock swing à Nancy. Donc, c'est organisé par Cap Danse. Vous avez toutes les infos sur leur site www.nancyswingfestival.com ou sur le site de Cap Danse, effectivement, je viens de le dire. Tu viens de le dire. Le jeudi 16 février, à l'Appart Club à Nancy, les vide dressing qui marchent assez bien, les vide dressing. C'est tendance quand même, les vide dressing. C'est la mode. C'est la mode. Et donc là, c'est de 19h à 22h à l'Appart Club, je le disais, à Nancy. Et avec un petit peu d'avance, donc j'avais envie de vous parler aussi des 100 ans du jazz organisés donc par le Club Saint-Lambert. Ça se passera le dimanche 26 février à la salle Poirel. Le Club Saint-Lambert avec Clément qui sont déjà venus plusieurs fois dans notre émission. Donc il y aura concert et rétrospective donc unique du Charleston de Miles Davis en passant par l'air du swing. Le Club Saint-Lambert donc vous racontera l'histoire du jazz en musique. Plein tarif, donc c'est 19€ ou 17€. euros sur le balcon et vous avez des tarifs réduits donc, pour les membres du club. Les réservations sont ouvertes, donc vous pouvez déjà aller prendre vos places. Je peux préciser que les places, vous pouvez les prendre à la billetterie pour elle et là, dans les heures qui vont suivre bientôt sur la FNAC, on attend la confirmation. Voilà. Donc allez-y, franchement, ça va être un superbe événement. Envoyez-nous un petit message sur la page Facebook. Oui, parce que Jack, il faut le dire, donc, il est bénévole aussi au club Saint-Lambert, il s'occupe de pas mal de choses. Je passerai faire le ménage chez vous si vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter. Et le mail du club Saint-Lambert, c'est contact@clubsaintlambert.fr. Et moi, j'ai un petit peu de pression aussi hein, parce que je vais me retrouver à Poirel. Jean-Pierre Foucault local sera là. Qui connaît bien le jazz. Ça va jazzer. Heureusement, il y a des spécialistes en la matière. Et donc, on se retrouvera sur la scène de Poirel. Tout ça le 26 février. On va danser. On va danser ? Ah oui, on va danser. C'est Gilbert Montagné, ça. Ça sera le mois prochain. Alors. C'est Gilbert Montagné qui le dit. Et nous, on se retrouve pour Coup d'œil dans le rétro le mois prochain, donc le 17 février. Le 17 février, donc troisième vendredi de chaque mois. Voilà, vous pouvez nous retrouver. C'est pareil. Eh bien, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci, Emmanuel. Merci, c'est moi. C'était sympa. J'étais un peu stressée, mais c'était. Ça s'est bien passé. Ça n'a pas trop été douloureux. En tout cas, donc voilà, allez sur les réseaux sociaux. On continue aussi de diffuser autour de Christelle Youpla Boom, pareil, hein, et de ses créations. Et aussi de notre Jack, hein, parce que chacun aussi a besoin d'un petit peu de promo. Lui, c'est Rétro Passion Auto. Automobile. Et Jack fait un blog auto.fr, il faut le dire aussi. On vous souhaite un bon week-end, c'est ainsi qu'on peut le dire. Bon week-end, soyez sages, attention sur la route. Bah oui, attention sur la route. En tout cas, les programmes continuent sur Fadjet. D'ici quelques instants, vous m'en lirez tant ce qui reçoit Denis Bolo pour son livre Jeux macabres, Charlie & Co hein, à 18h30 avec Syria Charity. Il y a aussi Cineworld à 19h, 20h le Hot 40, Electrochoc à 21h, Party Time 22h, tout un programme. Restez à l'écoute sur Fadjet. À bientôt, ciao ciao.